Vous êtes bien sur Radio Fagette, il est 15h15. Nous allons commencer du coup par l'actualité. Oui, on peut peut-être se présenter déjà. C'est vrai, ça peut être bien. Après, on s'était déjà présenté dans l'ancienne émission. Mais... Et moi non. Ouais, c'est vrai. On a quelqu'un de nouveau oui. avec nous. Du coup, on est qui se présente? Qui commence? Vas-y, commence. Hein. Bah, du coup, moi, c'est Alina. Je suis la nouvelle recrue qui s'est incrustée littéralement. Donc, je suis ravie d'être là. On est ravis que tu sois là. On est content. Bon, bah, moi, du coup, je suis Aldric. Je suis l'ingé son. On peut dire ça comme ouais, ça. Je suis celui derrière, derrière tout. Hein. Voilà. Et notre deuxième chroniqueuse. Et bah, je suis Lina. Et... À ne pas confondre avec Alina. Exactement. Je sens, je vais déjà m'y perdre, mais. On t'en veut pas. On va commencer par l'actualité. Ce soit à Nancy ou alors à la capitale, on a préparé une petite, des petites recommandations d'événements à ne pas louper. Alors, et bah écoute, je te laisse commencer par ton événement. Ok. Bah du coup, moi je vais vous parler de l'ouverture de la médiathèque à Nancy. Pourquoi je parle de l'ouverture de la médiathèque? Car notamment, maintenant il y a un espace musique. Où on peut louer des instruments et jouer de la musique. Donc ça va être disponible ce samedi 6 avril. Également, forcément, il y a toujours les vinyles à disposition que l'on peut emprunter, les CD. Et également, il y a un espace pour enregistrer des vidéos ou des podcasts. Donc si vous êtes fervent de podcasts, ça peut être intéressant. Eh ben super, en tout cas. Si on veut c'est se génial. Mettre au podcast, on sait où aller. Voilà, c'est ça. Lina, à ton tour. Lina. Eh bien, moi, je vais vous parler du festival Rock en scène, qui se déroule donc à Paris, qui donc se déroulera du 21 au 25 août 2024. Sachant que le 21 août est déjà sold out, Lana Del Rey a fait fort, oui, et puis les tickets sont partis vite. Et donc, voilà, ce festival accueillera notamment Maneskin ou encore Massive Attack. Ouais, il y a aussi The Offspring, PJ Harvey, The Smile. Arctic Monkey, je crois, non? Peut-être, oui. Peut-être. À vérifier. Et toi, Aldric, dis-nous un petit peu ce qui nous attend à Nancy. Dis-nous. Eh bien, écoutez, non, mais j'étais en train de vérifier s'il y avait vraiment Arctic Monkey. Eh bien, moi, du coup, je vais vous présenter le Nancy Open Air. Alors, bien connu des Nancéens. Exactement. Tous. Eh ben, ouais. Cette année, du coup, il y a le Heavy Weekend, donc avec Megadeth, Alice Cooper, Judas Priest, Scorpion. Titres, voilà. De grands artistes. Mais du coup, il y en a certains qui se sont rajoutés, tels que Dajou, Luan, Louise Attack. C'est différent. Je connais pas. Honnêtement, comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts. Dajou, Luan, je connais le nom, mais alors. Le reste, je connais pas du tout. Mais ça doit être bien. Hein. Exactement. Eh bien, écoutez, passons à notre petite sélection de chansons. Allons-y. Donc, aujourd'hui, on a un thème. On a décidé de parler de la musique engagée, que ce soit en France ou alors aux États-Unis ou bien en Angleterre. On a préparé une petite sélection. Une petite sélection exacte. Mais alors, dis-nous, Alina, qu'est-ce que la musique engagée pour toi? La musique engagée, eh bien, c'est une musique. Bonne question. C'est une musique à laquelle qu'on engage un thème qui nous tient à cœur, que le thème soit politique ou bien, par exemple, là ces dernières années, on a beaucoup parlé d'écologie, de tout ce qui était protection de la planète. Donc ça aussi, ça peut être une musique engagée, ou alors juste une musique peut-être engagée de par ses idées, de par ses principes et tout ce qu'elle veut transmettre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma définition. Moi, je pense que la musique engagée, c'est en fonction de chacun. Oui, bah exactement. Je pense que ça peut parler de tout, en fait. Bah, là, de toute façon, on va aborder l'écologie, l'emploi... La politique, un petit peu. La politique, ouais. Oui, la politique. Parfait. Eh ben, on va commencer par l'une des musiques que t'as choisie, Alina. Oui. Tu nous la présentes, c'est... C'est Prison Song, de System of a Down. Du coup, alors, Prison Song, faut savoir que ça a été... elle est issue de leur album Toxicity, qui a d'ailleurs été banni en raison des attentats aux États-Unis, comme l'album est sorti en 2000, si je dis pas de bêtises, 2001. Du coup, System of a Down sont notamment connus pour soutenir plusieurs causes, dont le génocide arménien. Mais là, du coup, cette musique Prison Song, comme son titre l'indique, elle est là pour dénoncer les problèmes du système carcéral aux États-Unis. Serj Tankian a également parlé de ces thèmes dans plusieurs de ses musiques, mais je trouve personnellement que c'est celle qui les exprime le plus explicitement. J'ai un doute, c'est pas parce qu'il a fait de la prison, lui. Parce que du coup, il avait découvert le système carcéral, il s'est dit, mais c'est horrible. J'ai un doute. Je suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais pour moi, il avait fait des histoires. De toute façon, il y avait des histoires de prison, ça c'est clair. Mais bon. Et ben, on va l'écouter tout de suite. Top. Yeah. movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the right movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. Minor drug offenders fill your prisons. You don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders fill your prisons. You don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Mother, I'm not crack my smack my bitch right here in Hollywood. The percentage of Americans in the prison system. The prison system has doubled since 1985. They're trying to build a prison. Drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. Mother, I'm not crack my smack my bitch right here in Hollywood. Drug money's used to rig elections and train brutal corporate sponsored dictators around the world. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. Vous êtes toujours sur Radio Fagette, il est 15h25 et on vient d'écouter du coup Prison Song de System of Down. Oui. Du coup, c'est ce qu'on discutait un peu avec Aldric. La musique avait pas mal été un petit peu pas assez regardée à l'époque de sa sortie de par les malheureux attentats en 2001. Alors qu'elle est vachement engagée quand même. Moi, je trouve qu'elle s'inscrit parfaitement dans le thème parce que là, clairement, c'est explicitement dit. Serge Tankian, le chanteur, crie littéralement ses idées et en quoi il trouve le système carcéral... pas frauduleux, mais c'est à la limite. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vraiment au moment où il dit « no light, no music ouais. » et après il crie genre « kill everyone ». Je sais plus ce qu'il dit, mais vraiment, tu comprends que c'est vraiment... engagé, prendre comme c'est ça. C'est vraiment pas comme en France. Non. Et puis en plus, le fait d'avoir... Enfin, System est quand même un groupe qui est assez connu pour son son assez... qui envoie... Et le fait de passer un message aussi violent, entre guillemets, par du son violent, il y a tout de suite une imagerie que même si on n'écoute pas les paroles avec précision, on comprend le sentiment qui s'en dégage. Du coup, oui, on va passer à une autre musique. Alors cette fois-ci, c'est moi qui l'ai choisie. C'est français. Ça vient des Fatal Picard, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est un groupe engagé, c'est du rock alternatif. Et moi, j'ai décidé de parler de la sécurité de l'emploi. Donc, il faut savoir déjà que ça vient de l'album Orange Mécanique. Donc, c'est un album, vraiment, la définition de musique engagée, tu prends Orange Mécanique, tout est engagé. Ça parle de politique, ça parle d'écologie, ça parle de sécurité de l'emploi, parce que dans la musique, dans cette musique-là qu'on va écouter, ils évoquent, en fait, ce que vivent les enseignants. Ok. Vraiment, puis avec ce qui s'est passé, du coup... avec Samuel Paty, avec l'attentat à Arras. Donc c'est une musique assez récente, tu sais de quand date l'album ? Non, pas du tout. Même pas. Elle date, si je me trompe pas, elle date. Ah, mais c'est intéressant. C'est 2007, quoi. On est oui. Plus jeune que la musique. C'est fou parce que quand tu l'entends, tu t'es dit, mais encore maintenant, c'est d'actualité.

à du français, je crois. Mmh. Ouais. Du coup, la chanson de Lina, c'est Porcherie de Berrurier Noir. Porcherie est une chanson française sortie en 85. Et donc, c'est une chanson où ils vont avoir un discours hostile envers le capitalisme, l'extrême droite, la politique, etc. Donc, voilà. Eh ben, on va l'écouter tout de suite. Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes malheurs des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffent, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. D'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde. Vous êtes toujours sur Radio Fagette, il est 15h35. On vient d'écouter Porcherie de Berrurier Noir. C'est dur à dire quand même, hein. Berrurier Noir. Mais moi, ce qui m'a surpris au début, c'est qu'on entend du coup la voix du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Et moi, je me demande, est-ce que Berrurier Noir n'a pas eu de problème après? Oui, c'est sûr. Alors, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il a dû avoir de sacrés problèmes, parce qu'ils sont un peu connus pour être un peu chiants sur le sujet. Après, la musique engagée, c'est aussi le fait de mettre au public, de dévoiler ses opinions et de dévoiler ses convictions et de les porter fièrement. Mmh. De toute façon, j'ai envie de dire, vu le personnage... C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire qui se soit fait vanner? Je sais pas. On va passer à la prochaine musique. Cette fois-ci, choisie de Alina. Et non Lina. Et non Lina. Je vais faire cette blague à chaque fois. Hein. On veut pas. Au moins, on retiendra. Alors moi, j'ai choisi 2 plus 2 égale 5 de Radiohead, donc 2 plus 2 equals 5, comme son nom l'anglais l'indique. Cette musique, elle vient de leur album Hail to the Thief, et rien qu'au titre, du coup, qui proclame un peu ses idées. C'est un album qui ne se veut pas politique, et Thom Yorke a notamment dit lui-même que malgré le fait que son album il ne le proclame pas comme étant un album politique, malheureusement vu le contexte dans lequel il a été écrit, du coup il a été écrit de 2001 à 2003, les événements de l'actualité à cette époque ont fait que l'album a fini au final un petit peu quand même politique. 2 plus 2 égale 5 est la première chanson de l'album. Je trouve qu'elle ouvre parfaitement le thème et toutes les singularités de cet album. Elle est un petit peu là pour parler du coup du fait de s'engager personnellement là en l'occurrence. Personnellement, c'est-à-dire dans ses convictions et de ne pas avoir honte et de les porter fièrement. Ok. D'accord. Eh ben écoute, on va écouter ça tout de suite. such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but two always makes a five. Toujours bien sur Radio Fadjet. Il est 15h40 et on vient d'écouter 2 plus 2 égale 5 de Radiohead. Excuse-moi pour mon accent. Pas terrible. Ça fait très régional, comme on va dire. 2 plus 2 égale 5. Du coup, 2 plus 2 equals 5 de leur album Hell to the Thief, comme on l'a entendu. Donc même si cette chanson, elle a un premier but, on va dire, politique, ce que j'aime bien, c'est que ses opinions, elles sont cachées derrière beaucoup de symboliques et de références, notamment toi qui aimes bien George Orwell. Tu vas être content parce que bah, du coup, 2 plus 2 equals 5, c'est une référence à son roman 1984 pour démontrer bah, du coup, tous les abus de pouvoir dont Tom York, le chanteur principal, il veut faire le lien en fait, avec, avec la réalité, avec ce qui se passait et ce qui se passe toujours malheureusement partout dans le monde. Aussi, on peut également tirer un lien avec l'enfer de Dante, je ne sais pas comment on le dit en français. Je crois. Ouais, Dante. Et là, en l'occurrence, il tire le lien avec, avec Dante pour dénoncer les personnes qui n'essaient pas d'améliorer un peu la réalité et tout ce qui se passe. Tu peux nous reparler un peu de Dante ? Parce que ça me dit un truc, mais peut-être oui, que tout le monde ne sait pas. Bah, en fait, l'enfer de Dante, c'est une vision que les gens ont de l'enfer. Voilà, c'est, tu vois, il y a plusieurs religions, plusieurs personnes ont des visions différentes, et une des visions, c'est l'enfer de Dante. Je sais que la femme de Tom York, elle était spécialisée là-dedans. Je sais plus exactement qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, mais du coup, ça l'a vraiment touché personnellement. Et durant tout l'album, à travers tout Hell to the Thief, il y a des musiques qui ont des titres alternatifs, et il y en a beaucoup qui sont des références à l'enfer de Dante. Voilà, donc c'est vraiment un trou de lapin. Si ça vous intéresse, je vous laisse chercher de vous-même, parce que je ne suis pas spécialisée dans l'enfer de Dante. Mais du coup, là, en l'occurrence, le lien qu'il essaie de tirer, c'est les personnes qui, justement, se retrouvent dans l'enfer de Dante et qui se disent « Bah mince, on a rien fait pour qu'on se retrouve en enfer. » Oh mince Too bad. Et en fait, non, oui, en effet, vous n'avez rien fait. Et c'est ça le problème, c'est que vous n'avez pas essayé de prévenir les gens de l'importance

Voilà, donc c'est une musique qui se veut très écologiste, très engagée. Et ce qu'on disait avant de la jouer, bah, c'est que rien n'a changé. Ouais. Tu la sors maintenant, c'est toujours pareil. Voire c'est pire. C'est et vrai. Je pense que c'est pire. Et ça deviendra pire. Mais bon, au moins, ce qui est marrant, c'est que même si les thèmes sont un petit peu, je dirais pas sombres, mais assez durs, ça rappelle l'été quand même. Mine de rien. Mine de rien, ça rappelle non, mais l'été. Moi, comme je disais, hein, on va se faire un feu de radio. Franchement, ayez des potes guitaristes ouais, c'est et ça, faites des feux tout, de camp et vous jouez du trio et c'est génial. C'est vrai que ça vraiment, en plus, les oiseaux au début, ça fait vraiment, ça pose le décor. On sait où, enfin, on sait limite où on est. Moi, j'ai vraiment l'image de ces amis qui se retrouvent au coin du feu et qui expriment leurs opinions engagées à travers la musique. On va passer à une nouvelle musique. Lina, je te laisse la présenter. Donc, nous passons ensuite à Killing in the Name, qui est une musique du groupe Rage Against the Machine et qui est sortie en 92. Suite aux émeutes qui ont lieu à Los Angeles en mars 91. Tu sais pourquoi elles avaient lieu, ces émeutes, ou pas du tout? Si je me fie à ce que j'ai lu, c'est suite à l'acquittement de 4 policiers dans une affaire de violence. Ouais, je pense. Ok, d'accord. Ouais, c'est sûr. Mais écoutons-la. Eh ben écoute, Wimp, tout de suite. Justified, those that died, but wearing the badge, they get chosen white. Vous êtes bien sur Radio Fagette, il est 15h55. On vient d'écouter Killing in the Name de Rage Against the Machine. Personnellement, j'ai bien aimé parce que c'est le style metal. Vous en pensez quoi d'ailleurs, cette musique? Moi, je trouve que c'est un classique. Hein. C'est devenu un classique. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. C'est son père qui me l'a fait découvrir, donc forcément... Oui, il y a une attache personnelle, ouais, en plus, voilà. Ça s'est créé au fil des années. Ça, et ça, c'est beau, je trouve que de par les attaches personnelles et de par la popularité de la musique, les artistes ont réussi à justement passer leur message engagé, qui est quand même le thème global de notre petite émission. C'est vrai. Du coup, il y a plusieurs moyens de faire passer ces messages. Parlant de messages attachés, on va passer au coup de cœur. Oui. Bah, on discutait en off, mais là, actuellement, je vais commencer par Panchico. Voilà, qui, pour le coup, n'a rien à voir du tout avec la musique engagée. Là, c'est différent. Alors, personnellement, moi, j'ai connu grâce à l'émission Findings de Feldup sur YouTube, le Findings 101, où il parlait en fait que, à la base, Panchico était un groupe qui s'était créé un peu dans les années 90 et qu'au final... Qui n'avait pas du tout marché. Ouais, qui disait vraiment, on leur avait dit, c'est nul ce que vous faites. Et pour résumer la petite... Tu veux que je résume la petite histoire? Ouais, vas-y, résume. Pour résumer la petite histoire, du coup, le groupe n'avait pas du tout marché. Ils ont dû faire même pas 10 copies de leur CD avec leur album nommé Death Metal, c'est ça? Ouais. Et au final, ça a fini dans des magasins de charité. Et un internaute a retrouvé l'album 20 ans après... et a décidé sur un forum de demander aux internautes s'ils savaient, je crois que c'était sur Reddit. Ouais, c'est sur le forum Lost Media, ils ont essayé, en fait, ils ont essayé de retraquer, ils ont cherché, ils sont remontés jusqu'au vendeur, le vendeur pouvait pas dire, et au final, ils sont retombés sur le chanteur, ils ont envoyé un message au chanteur, et le chanteur, il était là, il a refait sa vie, tu vois. Ils ont même pas retrouvé le batteur, en non, plus. Non, ils l'ont pas retrouvé. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et puis là, depuis... moi, c'est ce que je disais, je connaissais Panchico. Je l'ai découvert peut-être ce groupe en début d'année. Je n'ai jamais fouillé leur discographie, je ne me suis jamais intéressée, je ne connaissais même pas l'histoire. Mmh. Moi, dans ma tête, c'était juste un groupe normal, comme ça, qui venait de percer. L'album, c'est ce qu'on disait, est super avant-gardiste. Mmh. Et il a vraiment un son qui marche aujourd'hui. Donc c'est un truc de dingue que, grâce à Internet et grâce au réseau, on a réussi à donner un nouvel envol à ces artistes. Non, mais c'est fou vrai. De se dire que en fait les mecs sont juste arrivés au mauvais moment, mais que au final ils ont quand même eu leur part, parce que aujourd'hui quand ils font des concerts. Ouais, quand je regarde quasi un million d'auditeurs mensuels sur Spotify, 25 millions d'écoutes sur le morceau Death Metal, enfin ça va, ils s'en sortent plutôt bien. Mm. Bah, du coup on peut la passer. Hein. Bah oui, on va tout de suite écouter Death Metal. C'est parti. She is on a mess. Vous êtes toujours bien sur Radio Fagette, il est 16h02. On vient d'écouter Death Metal de Panchico. Notre coup de cœur. Ouais, de notre la semaine. Coup de cœur. Ouais. Et puis on va passer du coup au deuxième et dernier coup de cœur. Qui est Big Mouth Strikes Again de The Smiths. Et bah, alors de quoi parle la musique ? Alors du coup, il faut savoir déjà que. Je commence. Moi, personnellement, j'adore The Smiths pour un petit peu la touche très sensible, on va dire ça comme ça, de Morrissey, qui est quand même un sacré personnage assez extravagant. C'est vrai que beaucoup de gens le disent, beaucoup de fans le disent, mais on dirait vraiment un peu une adolescente de 13 ans enfermée dans un corps de, bah, d'un homme de 35. Enfin, maintenant, il a bien plus de 35 ans, mais à l'époque. Et donc. Les thèmes sont nombreux et dans cette musique-là en particulier, personnellement, mon interprétation, c'est vraiment une musique qui crie un peu, enfin pas le désespoir, mais c'est poignant comme musique. Je sais pas toi, Lina, ouais, ce que t'en penses. C'est exactement ça, c'est poignant, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup. Et d'un côté, t'as un côté limite presque ironique avec sa façon de parler. Ça donne envie de rire. C'est vrai que la première fois qu'on écoute The Smiths, on reste pas indifférent face à sa voix. Et puis, les musiques, les paroles très dramatiques, tout ça, c'est très sympathique. Et aussi, on peut parler du fait qu'ils étaient vraiment, pendant une longue période, contre tout ce qui était synthé et tout. C'était vraiment, on retourne dans une époque avec... des années 80 qui était vraiment le disco, tout ça. Eux, ils ont dit non, on retourne aux sources, on prend batterie, basse, guitare, chanteur et c'est tout. Écoutez, moi j'écoute très peu The Smiths, donc j'espère avoir une bonne surprise. On va écouter un bon coup de cœur. On te le souhaite. Bludgeoned in your bed. Vous êtes toujours sur Radio Fagette, il est 16h10 et c'est la fin de l'émission La Vie Punk. Voilà, donc c'était le coup de cœur, enfin le deuxième et dernier coup de cœur, Big Man Strikes Again de The Smiths. Toujours avec un accent magnifique. Excellent. Ah, écoute. Du coup, je découvre en vrai propre. Je sais pas si je l'écouterai tous les jours comme ça. Compréhensible, mais comme je pense que c'est particulier. Je pourrais écouter ça. The Smiths, j'écoute, mais j'écouterai pas, peut-être pas tout le temps celle-là. Il faut découvrir, il faut découvrir. Voilà. Du coup, notre thème, c'était la musique engagée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, on se retrouve. À bientôt. À bientôt.